dans cette édition calembourifique de La Connexion. Une mère vend son bébé sur eBay, bébé. Un étudiant tente d'entarter Steve Ballmer, c'est toujours mieux qu'une Balmer. Un Britannique filme ses infractions et les diffuse sur YouTube. You stupid! Et Pac-Man le film, c'est pas que je veux pas voir ça, mais man, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante, c'est l'émission la plus rapide au monde et à chaque semaine, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. On va faire ça pendant 2 heures complètes. On a 20 minutes de contenu de plus pendant tout l'été, donc profitez-en. On va faire le bloc F5 jeux vidéo dans quelques minutes, mais avant, voici une nouvelle entrée sur le palmarès francophone, anglophone, pardon, de C'est fou. Bon, on pourrait dire francophone presque, parce que c'est une leçon de français de la part de Flight of the Conchords. Voici Fouloufa. Je suis enchanté. Où est la bibliothèque? Voilà mon passeport. Ah, Gérald Depardieu. Baguette. Baguette. Foudou fa fa. Foudou fa fa fa fa. Foudou fa fa. Foudou fa fa, foudou fa fa fa fa, foudou fa fa. Aïe. Et maintenant le voyage à la supermarché. Pomme la mousse, ananas, jus d'orange, bœuf, soupe de jour, camembert, Jacques Cousteau, baguette. Bonjour mon petit Pierrot des chiens. Ça va? Ça va, ça va? Ça va. Voilà la conversation dans le parc. Où est le livre? À la bibliothèque. Et la musique danse? À la discothèque. Et les discothèques? C'est bébé. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Où est la piscine? Pas dans moi. Où est la piscine? Splash splash. Hein? Hein? Oh, je ne comprends pas. Parlez-vous le français? Parlez-vous le français? Non. Vous le fafa. Fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Foudou fa-fa. Foudou fa-fa-fa-fa. Foudou fa-fa. Aïe. Une leçon de français de la part de la formation Flight of the Conchords à La Connexion à CFOU 89.FM. Vous écoutez donc l'émission qui parle de technologie, informatique et de jeux vidéo. On commence avec le bloc F5 jeux vidéo cette semaine. Et on commence avec la compagnie Microsoft. Quelques changements sur Xbox Live Arcade. Le directeur général de la plateforme Xbox Live, Mark Whitten, a révélé au cours d'une entrevue que les jeux les moins bien cotés et les moins populaires offerts sur Xbox Live Arcade ne seront bientôt plus disponibles. En effet, de cette façon, Microsoft désire rendre accessibles aux joueurs les meilleurs jeux de ce service plus facilement. Selon Whitten, les jeux qui se verront supprimés sont ceux ayant été disponibles depuis au moins 6 mois, ayant obtenu un score global de moins de 65% sur le site Metacritic. Donc ça, c'est un rassemblement de différentes codes de différentes places et qui ont un taux de conversion, c'est-à-dire d'achat, des gens qui passent de démo à l'achat, de moins de 6%. Et je cite... De cette façon, les jeux ne sont pas uniquement considérés s'ils se vendent pas bien ou bien s'ils n'obtiennent pas de bonnes critiques, mais plutôt en considérant ces deux facteurs, a déclaré Witten. Nous émettrons également un avis de 3 mois avant de supprimer n'importe quel jeu. Globalement, je crois que vous trouverez que ça centrera le catalogue de jeux Xbox Live Arcade sur des jeux plus immersifs et que cela rendra plus facile l'accès à des jeux que vous voulez. Par ailleurs, Witten a déclaré qu'aucune mise à jour importante n'est prévue pour la Xbox 360 ce printemps. Néanmoins, Microsoft prépare un nouvel outil de gestion de droits numériques qui permettra aux joueurs de gérer plus facilement les licences de contenu téléchargé. En fait, ça supprimera un problème qui fait en sorte que vous devez posséder une connexion Xbox Live si vous jouez à des jeux achetés sur Xbox Live sur plus d'une console. C'est particulièrement fâcheux pour ceux qui ont dû remplacer leur console d'origine en raison, entre autres, du fameux Red Ring of Death, le bug qui cause l'anneau rouge de la mort sur la console. Donc, l'article vient de Argamers. À moins d'avoir passé les 10 derniers jours dans un igloo, vous n'avez pas pu passer à côté de la rumeur faisant état d'un accessoire à reconnaissance de mouvement baptisé Newton et développé dans les forges obscures de Microsoft. C'est ce que dit jeuxvideo.com. On avait parlé de ça il y a quelques semaines à la connexion. Alors que certains possesseurs de Xbox 360 s'imaginaient déjà en train de tronçonner des locustes à l'aide d'une manette style Wiimote aux couleurs de la firme américaine Microsoft, Shane Kim, seigneur omnipotent de la branche Microsoft Games, a joyeusement pulvérisé la rumeur et balayé les miettes. Ou presque, parce que le fameux personnage a effectivement déclaré que rien de tel n'était actuellement en développement chez Microsoft, avant de poursuivre par quelques répliques ultra corporate concernant le matériel et les périphériques du type « Microsoft investit énormément dans le hardware, les services et les contenus online. Quelle que soit la technologie sous-jacente, nous allons continuer de promouvoir l'innovation à travers un bon nombre de domaines, que ce soit dans la technologie de détection de mouvement ou dans d'autres domaines, ça reste à voir. Bref, pas de Newton à l'horizon, mais des trucs high-tech, c'est sûr. » Donc, en fait, Microsoft, selon les rumeurs, devait sortir une manette qui ressemblait un petit peu à la Wii avec reconnaissance de mouvement. Et là, ça n'arrivera pas, apparemment. On passe à Sony maintenant. Au cours d'une entrevue avec le site Gamma Sutra, le directeur senior du marketing de Sony, John Koehler, a annoncé qu'un clavier pour la PSP débarquera en sol nord-américain d'ici un an. Depuis, le GPS de la PSP sera aussi mis en marché d'ici peu en Amérique du Nord, bien qu'on ne sache pas encore quand précisément. Selon Koehler, ce GPS fera de la PSP, la console portable de Sony, un espace social afin de combler les besoins de ses utilisateurs. Cependant, Koehler n'a pas annoncé que de bonnes nouvelles pour la PSP. En effet, le PSP TV Tuner, qui aurait permis d'écouter la télé sur la console portable de Sony, ne verra pas le jour en Amérique du Nord. Selon Koehler, le PSP Tuner ne peut être lancé en Amérique du Nord en raison d'une incompatibilité avec l'infrastructure des ondes de diffusion aux États-Unis. Maintenant, parlons de Nintendo. Alors que l'E3 ne finit pas de maigrir, on en parlera un petit peu plus tard, et de perdre des participants comme la peau de chagrin de Balzac de la superficie. Que dit jeuxvideo.com avec leur référence que personne ne comprend? On apprend que Nintendo sera bel et bien présent au salon américain, mais boudera en revanche la prochaine Games Convention qui se tiendra à Leipzig du 24 au 28 août. Après l'E3, la firme Nippon semble donc déterminée à privilégier les petites démonstrations locales et les roadshows au grand rendez-vous interplanétaire rempli de babes, de sonos hurlantes et de baraques à frites. Nintendo tient cependant à signaler qu'il ne faut pas voir en cette décision une critique de la Games Convention et qu'il sera bien temps de réévaluer la position de la compagnie avant la prochaine édition. Après avoir analysé les composantes des téléphones mobiles et des ordinateurs plus tôt cette année, Greenpeace s'attarde maintenant à celle des consoles de jeux. Greenpeace a publié l'étude Playing Dirty, dans laquelle le groupe environnementaliste analyse l'impact écologique et physiologique des produits chimiques utilisés dans les composantes des consoles de jeux PS3, Xbox 360 et Nintendo Wii vendues en Europe. Résultat des courses, aucune de ces trois consoles ne s'attire la sympathie de Greenpeace et je cite « Aujourd'hui, aussi bizarre que ça puisse paraître, les consoles de jeux ne sont pas considérées comme des jouets. Qu'elles le soient ou non, il est inadmissible qu'elles contiennent des substances chimiques dangereuses pour l'environnement et la santé humaine », a expliqué Zena Al-Haj de Greenpeace International. Au nombre des substances chimiques dangereuses trouvées par le groupe environnementaliste dans les consoles, on compte notamment du brome et des phtalates. Comme le souligne l'étude, l'un de ces phtalates, le DEHP, est connu pour perturber le développement sexuel des mammifères, humains compris, en particulier chez les individus mâles. Par ailleurs, l'utilisation d'un autre phtalate, le DINP que Greenpeace a trouvé dans la Xbox 360, est interdit dans les jouets destinés aux enfants. L'étude, qui se penche également sur la contamination des sols qu'engendrent les consoles obsolètes dans les sites d'enfouissement, note tout de même les efforts réalisés par les fabricants dans les choix des composantes. Par exemple, l'étude révèle que les contacts électriques de la Wii ne contiennent aucune trace d'alliage de beryllium et l'utilisation de PVC et phtalate s'avère limitée. Depuis, la PS3 de Sony contient des cartes mères exemptes de brome et Microsoft a limité l'emploi de matériaux bromés dans la conception du boîtier de sa Xbox 360. Voilà pour les choses un petit peu plus vertes cette semaine. Mais je vous rappelle, tout le monde à la maison, arrêtez de jeter vos consoles. Donnez-les à quelqu'un. Je comprends pas comment quelqu'un peut jeter une console aux poubelles. On parlait un petit peu de l'E3 tantôt. L'E3 n'en finit pas de perdre du poids après la défection d'Activision et Vivendi et d'autres absents qui n'ont toujours pas pris de décision. Je crois que id Software a pris sa décision. C'est dans l'article suivant. On découvre que le salon n'occupera qu'un espace dérisoire cette année. Par le passé, la grosse foire de jeux vidéo E3 était le seul événement capable de remplir l'immense Convention Center de Los Angeles avec 67 000 mètres carrés. On s'est posant sur l'ensemble de ses halls et salles de réunion. Et bien, en 2008, elle se contentera du fort petit Concourse Hall. Par ailleurs, on apprend également que l'ESA, qui est l'organisatrice de l'événement, a dû payer l'année dernière plus de 5 millions de dollars à la ville de Los Angeles pour rupture de contrat lorsqu'elle a décidé de déporter l'E3 dans la ville de Santa Monica. La liste actuelle des participants à l'édition 2008, ceux qui n'ont pas encore totalement été découragés par la décision de l'ESA de maintenir le salon en plein mois de juillet, une période pourtant bannie quand il s'agit de faire des affaires. Donc la liste est sur leunechance.com, l'article s'appelle « E3 cure d'amaigrissement ». Justement, c'est officiel depuis le 23 mai, le studio id Software ne fait plus partie de l'Entertainment Software Association. Le développeur derrière des jeux tels que Doom et Quake a annoncé au site Game Politics qu'il est le dernier à avoir quitté le bateau de l'ESA. Il est impossible de savoir pourquoi id Software a quitté l'ESA, en tout cas en date de l'article, bien que des rumeurs suggéraient que des différends avec le président de l'ESA, Mike Gallagher, pourraient être à l'origine de ce départ. Id Software est le quatrième gros joueur à quitter l'ESA en très peu de temps. En effet, au cours des dernières semaines, on a appris que LucasArts, Vivendi et Activision ont annoncé qu'ils se retiraient de l'organisation dont la survie semble être bel et bien menacée. Une première bande-annonce du prochain titre de la série Guitar Hero a fait son irruption sur le net cette semaine. Il n'est pas question ici de l'expansion Guitar Hero Aerosmith prévue pour le mois de juin ou de la version portable de Guitar Hero qui s'appelle On Tour. Elle est prévue pour l'été, mais bien du quatrième titre de la série prévu pour l'automne et qui concurrencera Rock Band en supportant quatre instruments virtuels, c'est-à-dire la guitare, la basse, la batterie et la voix. Les jeux musicaux ont pris d'assaut, et vous savez très bien, le marché américain au cours des dernières années. D'abord popularisé dans les arcades japonaises grâce à la division Bermani du développeur Konami, qui fait aujourd'hui l'objet d'une guerre sans merci dans les salons nord-américains. L'automne prochain devrait être très chaud, dit branchezvous.com, avec l'apparition de Guitar Hero 4 développé par Neversoft pour le compte d'Activision. Même s'il est encore trop tôt pour dire si Rock Band 2 lui fera face l'automne prochain, parions que le prochain E3 nous en dira plus. Toutefois, on sait d'ores et déjà que Konami répliquera avec Rock Revolution l'automne prochain afin de réclamer sa part du gâteau. Les trois jeux supporteront quatre instruments virtuels, mais seront incompatibles entre eux, évidemment. Il faudrait pas s'attendre à ce que les instruments d'un jeu fonctionnent avec un autre d'une autre compagnie. Les joueurs devront donc faire des choix, dit l'article. Vous pouvez voir la première bande-annonce de Guitar Hero 4 et la première bande-annonce de Rock Revolution sur leunechance.com. Voilà donc pour ça. Toujours dans le sujet des gros jeux très populaires. Parlons un petit peu de Grand Theft Auto. Une question à laquelle personne ne songe en règle générale, dit GameCult.com, mais les 500 millions de dollars générés en seulement une semaine par l'ouragan Grand Theft Auto 4 sont-ils correctement répartis parmi les créatifs derrière le jeu? Et de toute évidence, l'acteur Michael Hollick, qui a prêté sa voix et son physique au personnage principal de Nico Bellic, n'est pas de cet avis. Ce dernier dénonce dans les colonnes du New York Times le manque criant de reconnaissance de sa profession vis-à-vis des doubleurs du cinéma, de la télé et de la radio, déplorant un cachet proportionnellement trop faible par rapport aux millions dégagés par les ventes d'un titre comme GTA 4. Car s'il a effectivement touché quelques 100 000 $ pour les 15 mois de travail effectués sur le titre de Rockstar Games, Hollick n'a ensuite jamais plus perçu un seul dollar de royalties, en conformité avec les accords passés avec le syndicat des acteurs qui s'appelle le Screen Actors Guild. Des accords dénoncés par l'acteur de Nico Bellic, donc qui pointe également du doigt le vide juridique autour des exploitations publicitaires de son travail qui ne sont encadrées par aucun contrat. Et je cite, par exemple, nos contrats ne font aucune mention de l'utilisation des voix à des fins promotionnelles sur Internet. La première bande-annonce de GTA 4 a dû générer quelques 40 millions de hits sur la toile. C'est ma voix qu'on entend et je ne touche rien. Si c'était un spot radio, ça aurait été le cas. Même chose pour les publicités à la télé. J'ai enregistré les textes pour le jeu et maintenant je les retrouve partout à la télé. Voilà une autre zone d'ombre. Explique Hollick, qui appelle de ses voeux une réforme du statut des acteurs dans les jeux vidéo. Et je cite, « Quand tu vois qu'ils se font des centaines de millions de dollars et que tu n'en vois pas la couleur, c'est dur. Mais je veux pas, j'en veux pas à Rockstar. J'en veux à notre syndicat qui n'a pas les accords adéquats pour protéger les créatifs qui participent aux ventes de ces jeux. Oui, la technologie, ça compte, mais ce sont les performances humaines dans lesquelles les joueurs se retrouvent. J'espère que les acteurs auront droit à davantage de respect pour leur travail. » Un autre membre du casting du jeu, Ryan Johnston, qui s'est lui chargé de donner vie au gangster irlandais Patrick McCreary, se veut optimiste pour l'avenir. Selon lui, la reconnaissance va naturellement s'imposer d'elle-même, même s'il admet avoir déjà été correctement payé par l'éditeur de GTA pour ce job. Il aurait ainsi perçu environ 1 000 $ par jour, un cran au-dessus du cachet quotidien moyen de 730 $, touché par les intermittents du spectacle pour ce type de travail. Johnston pourrait bien être entendu plus vite qu'il ne l'espère. Les négociations syndicales sont en effet attendus durant l'été pour revaloriser les acteurs à hauteur des profits colossaux de l'industrie du jeu. Voilà. Le président du Comité international olympique, Jacques Roge, n'est pas le plus grand fan des jeux vidéo. Il l'a fait savoir lors d'une entrevue pour le Times. Confronté à une érosion inquiétante du jeune public pour le sport en général et les Jeux olympiques en particulier, la moyenne d'âge du spectateur des Jeux olympiques étant de 46 ans, Roge s'en est ainsi pris tout particulièrement à cette tyrannie de l'écran qui immobilise les adolescents devant la télé et les ordinateurs. Et je cite, « Les enfants sont attirés par des choses virtuelles. Visuelles. Les formes interactives de communication. C'est compliqué pour le sport de faire face à ça. Vous me ferez pas dire que faire du sport n'est pas amusant. Ça l'est évidemment, mais ça requiert de l'austérité, de la discipline. La clé, c'est d'atteindre les sommets. Vous n'atteindrez jamais rien dans un jeu vidéo. Il n'y a vraiment pas de succès. » Déplore le président belge du CIO, âgé de 66 ans. Afin de faire face à cette crise de modernité que traverse la vénérable institution olympique, Jacques Roche a donc décidé de se bouger en invitant chaque athlète des Jeux olympiques de la jeunesse, 14-18 ans, qui se dérouleront à Singapour en 2010, à se créer un profil MySpace, Facebook ou autre pour y véhiculer les valeurs du sport. Quelle belle idée! L'article vient de GameCult.com. Au cours du Festival de Cannes, le président de Capcom, Haruhiro Tsujimoto, a déclaré qu'il désire que sa firme lance davantage de films tirés de ses propriétés. En effet, Tsujimoto désire que Capcom fasse ce que Marvel a fait avec ses bandes dessinées au grand écran. Et je cite, « Nous sommes en processus de négociation de contrats pour de nombreuses offres que nous avons reçues au Festival de Cannes la semaine dernière et nous espérons pouvoir faire une annonce bientôt », a déclaré Tsujimoto. « S'il se réalise, ces projets auront un gros impact sur les industries du jeu et du film. » Malheureusement, on ne sait pas quelle franchise compte porter au cinéma Capcom. On peut parler peut-être de Devil May Cry, Mega Man, Dino Crisis, Lost Planet. Les paris sont ouverts à l'article via le Bloomberg, via Art Gamers. Toujours dans le domaine du cinéma, restons là-dedans. Il était déjà difficile de croire en l'adaptation cinématographique du jeu Joust, mais imaginez celle de Pac-Man. Or, la petite boule jaune avalant tout sur son passage se verra bel et bien portée au grand écran, du moins selon le site de Variety. La compagnie Crystal Sky Pictures aurait ainsi acquis les droits afin de porter Pac-Man au grand écran. Malheureusement, on ne sait pas grand-chose sur le film en tant que tel, mais le film sera, on a appris un petit peu plus tard, c'est pas écrit dans l'article, mais le film va être un film d'animation, donc peut-être en 3D, peut-être pas, mais au moins ce sera pas un film avec de vrais acteurs avec un costume de Pac-Man. Toujours dans le cinéma, Disney couronne Jake Gyllenhaal pour Prince of Persia. L'adaptation cinématographique à grand budget du jeu vidéo de Ubisoft verra également Gemma Arterton dans le rôle du personnage féminin principal. Madame Arterton apparaîtra également dans le prochain James Bond de Quantum of Solace qui est prévu pour le mois de novembre. Disney mise beaucoup sur Prince of Persia et espère en faire une franchise à succès telle que Pirates des Caraïbes. La production va débuter en juillet au Maroc ainsi qu'à Londres sous l'œil de Mike Newell qui a travaillé avec Harry Potter et le Gobelet de Feu. Le studio devrait planifier une autre date de sortie en cinéma pour l'an prochain. Dans l'adaptation cinématographique de Prince of Persia, Gyllenhaal jouera évidemment le jeune prince qui devra joindre ses forces avec une princesse exotique afin de prévenir un vilain noble de posséder les sables du temps, un cadeau des dieux qui lui permettra de jouer avec le temps et ainsi régner sur le monde. Donc Prince of Persia existe depuis 1989, plusieurs suites ont été développées depuis, mais c'est Ubisoft qui a su ranimer le mieux la série en 2003. Voilà donc les infos viennent de Variety via Art Gamers. C'est tout pour le bloc F5 jeux vidéo pour cette semaine. Voici maintenant le top des jeux les plus loués dans les super clubs Vidéotron. Donc, en cinquième position, on parle de Army of Two sur Xbox 360. En quatrième, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur la 360. En troisième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. En deuxième, c'est Mario Kart Wii sur la Wii. Et le jeu le plus loué, c'est Grand Theft Auto 4, évidemment. sur Xbox 360. Dash.com. D'accord. Maintenant, c'est l'heure de la chronique Cybercrime. Ça ressemble à peu près à ça. Donc, dans Cybercrime, cette semaine, les nouvelles de tout ce qui est croche, de tout ce qui n'est pas correct, de tout ce qui ne devrait pas être fait. On commence au Japon avec le distributeur d'un virus informatique qui vient d'être reconnu coupable de violation du droit d'auteur, étrangement, étant le seul chef d'accusation qui pouvait être porté contre lui, c'est ce que rapporte l'Associated Press. Masato Nakatsuji a distribué sur Internet un virus parmi les plus dommageables qui circulent actuellement sur les sites Internet japonais. Appelé Arada, le virus envoie sur le web les informations confidentielles qu'il trouve dans l'ordinateur d'une victime avant de les supprimer du PC. Afin d'inciter les internautes à ouvrir le fichier contaminé, l'homme avait attaché à ce fichier une image de la populaire série télé d'animation japonaise Clannad. Arrêté en janvier dernier, l'étudiant universitaire de 24 ans a uniquement été accusé de violation du droit d'auteur concernant l'image tirée de la série télé. Les policiers avaient envisagé de déposer d'autres plaintes contre lui à propos des dommages causés par le virus à certaines entreprises, mais ils ont préféré s'en tenir à un seul chef d'accusation pour prouver plus facilement sa culpabilité. L'homme a reçu une condamnation de 3 ans avec sursis, ce qui implique qu'il est dispensé d'effectuer une peine d'emprisonnement à moins qu'il ne commette une autre infraction durant cette période. Le jeune homme ne compte pas interjeter appel de la décision, oui. Selon différents groupes de lobbying de l'industrie du divertissement, le manque de lois au Japon pour condamner les pirates informatiques est un problème qui doit être analysé rapidement par le gouvernement du pays asiatique. Des diplomates et des experts en sécurité informatique provenant d'une trentaine de pays soutiennent cette semaine que le cyber... que le cyberterrorisme représente une menace réelle pour la communauté internationale. Ce conseil est la principale conclusion qui ressort d'un congrès de l'Union internationale des télécommunications qui se déroulait la semaine dernière à Kuala Lumpur, en Malaisie. Des délégués du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Inde, du Japon, du Mexique, de l'Arabie saoudite, de la Suède et des États-Unis sont parmi les participants. Et je cite, « La dure réalité, c'est que les technologies de l'information servent également d'outils pour les cybercriminels », ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'UIT, une agence qui relève de l'Organisation des Nations Unies. La sécurité informatique est donc un élément qui doit être pris au sérieux par la communauté internationale. Le premier ministre de la Malaisie, Abdullah Ahmad Badawi, a rappelé aux participants du congrès que le cyberterrorisme pourrait avoir des conséquences désastreuses sur les réseaux de télécommunications, les services d'urgence et les centrales nucléaires étaient ciblés. La Malaisie inaugurera d'ailleurs plus tard cette année un centre international de lutte au cyberterrorisme, à l'instar d'une initiative similaire dévoilée le 2 avril dernier par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Tallinn, en Estonie, l'article vient de l'Associated Press. 38 personnes ont été accusées d'avoir volé des noms, des numéros d'assurance sociale, des numéros de carte de crédit ainsi que d'autres informations personnelles d'internautes qui se sont fait berner sur des sites web frauduleux. Quelques milliers de personnes et quelques centaines d'organisations financières se seraient fait avoir par les fraudeurs selon les actes d'accusation déposés dans des cours de Californie et du Connecticut aux États-Unis. Plus de la moitié des accusés sont roumains, mais les fraudes auraient également été commises depuis les États-Unis, le Canada, le Portugal et le Pakistan. Et je cite, « Les criminels qui exploitent la force et la commodité, d'Internet n'ont pas de frontières, alors nos efforts pour prévenir leurs attaques ne doivent pas s'arrêter à nos frontières non plus. » C'est ce qu'a affirmé le sous-procureur général américain Mark R. Philip depuis Bucarest en Roumanie, où il a annoncé le coup de filet. L'hameçonnage est une technique utilisée par des fraudeurs pour soutirer des informations aux internautes qui croient visiter un vrai site web. Par exemple, en mettant sur pied une fausse version d'eBay ou du site web de la Caisse Desjardins en tout point identique aux originales et en demandant ensuite des renseignements personnels. Nouvelle qui me frustre pas mal. Hein? Option consommateur a révélé que les magasins Best Buy et Future Shop ont parfois gonflé le prix régulier de l'article pour ensuite promouvoir celui-ci comme étant en solde alors que ce n'était pas vrai. L'organisme soutient que le 14 avril dernier, la boutique Internet de Future Shop offrait un ordinateur portable à 1 100 $. Une semaine plus tard, le même produit était vendu à 1 400 $ avec une remise en argent de 300 $, ce qui revenait donc à 1 100 $. À pareille date, Best Buy annonçait un ordinateur portatif au prix régulier de 600 $. La semaine suivante, celui-ci était vendu à 850 $ avec un rabais de 250 $. Donc, le prix réduit était le même que celui de la semaine précédente vendu au prix régulier. Option consommateur estime qu'il est anormal que le prix régulier d'un article varie à plusieurs reprises à l'intérieur d'un mois et que cette pratique trompe les consommateurs. Jean-François Vinet, analyste des services financiers à Options Consommateurs, recommande aux victimes de cette pratique de manifester leur mécontentement en appelant directement au siège social des entreprises et de porter plainte à l'Office de la protection des consommateurs ou au Bureau de la concurrence. Options Consommateurs a pour sa part signalé la situation à ces deux instances. Le site mininova.org, qui compte parmi les sites relatifs à BitTorrent, le partage de fichiers les plus fréquentés au monde, devrait se voir prochainement attaqué en justice par l'organisation hollandaise chargée de la lutte contre le piratage. La Bescherming Rechten Entertainment Industry Netherlands, la BRAIN, le site qui n'héberge pas son propre tracker BitTorrent, mais référence des milliers de liens permettant d'accéder à des contenus légaux ou illégaux, recevrait plus de 30 millions de visiteurs uniques par mois. La BRAIN réclame la mise en place d'un dispositif de filtrage sur le site de Mininova, de façon à ce que tous les contenus soumis aux droits d'auteur soient soumis aux droits d'auteur et ne pouvant légalement être distribués par ce biais soient systématiquement évincés avant même leur publication. D'après le site Torrent Freak, Mininova et la BRAIN auraient discuté dans le but de trouver un accord convenant aux deux parties. Le problème, c'est que chacun envisage la loi selon son propre point de vue et refuse de céder aux arguments de l'autre. La BRAIN invoque le nécessaire respect du droit d'auteur pour fonder sa demande. De son côté, Mininova affirme respecter les obligations légales incombant à un hébergeur, ce que ne font pas tous les sites du même genre, en acceptant de retirer les contenus signalés par les ayants droit jusqu'à ce que, lorsque ceux-ci se manifestent, ils ne voient guère de raison d'aller plus loin. Et je cite, « Nous irons en justice en toute confiance puisque nous respectons la loi », a déclaré le cofondateur de Mininova. Point d'achoppement entre éditeurs de sites BitTorrent et représentants des ayants droit, la notion désormais fondamentale d'hébergeur et les devoirs qui lui sont associés pourraient donc se voir réexaminés par la justice hollandaise, alors qu'à leur niveau respectif, la France et l'Europe ont engagé une réflexion sur la question de la lutte contre le piratage. L'article vient de Clubic, Mininova.org, et le site en question est... Trouvez vous-même un logiciel BitTorrent, c'est plutôt facile. Fatigué des pourriels qui inondent son courrier électronique, un sénateur libéral passe à l'action avec un projet de loi qui prévoit des amendes allant jusqu'à 1,5 million de dollars et 5 ans de prison aux responsables de ces messages pourriels non sollicités. Le sénateur Yoann Goldstein souligne que le Canada demeure le seul pays membre du G8 à ne pas être doté d'une loi anti-pourriel. Et je cite, « Je constate que je passe une bonne partie de mon temps à l'ordinateur à traiter des pourriels et non des courriels. Et je ne suis pas le seul car les Canadiens se retrouvent dans la même situation. C'est un gaspillage énorme d'énergie et de temps », a dit M. Goldstein au droit. Son projet de loi S-235 vient de franchir l'étape de la deuxième lecture à la Chambre haute. Les efforts pour combattre les pourriels ne datent pas d'hier, évidemment. À l'automne 2003, un autre sénateur libéral, Donald Oliver, avait proposé un projet qui visait à empêcher la diffusion sur Internet de messages non sollicités. La loi n'a toutefois pas été adoptée. M. Goldstein, qui représente la région de Rigaud, a été nommé au Sénat en 2005. Il affirme que son projet de loi est différent car elle donnerait de nouveaux outils à la police et doterait les fournisseurs de services Internet de nouveaux pouvoirs pour bloquer, filtrer et refuser des pourriels. Les personnes qui se sentent ainsi aussi lésées par ces pourriels pourraient aussi demander un recours en dommages et intérêts devant les tribunaux. Des exemptions sont prévues pour certains groupes tels les organismes de bienfaisance, les partis politiques et les entreprises de sondage. Wow, pas une bonne nouvelle, ça. Yoann Goldstein attend maintenant la réaction des conservateurs au Sénat. En 2005, Industrie Canada avait mandaté un groupe de travail pour se pencher sur le problème des pourriels. Le rapport final proposait plusieurs recommandations, mais des élections fédérales ont été déclenchées quelques mois plus tard et depuis ce temps-là, rien n'a été fait. Michael Geist, de la chaire de recherche en droit d'Internet et du commerce électronique à l'Université d'Ottawa, faisait partie de ce groupe de travail. Il y a de la difficulté à comprendre pourquoi le fédéral n'a pas encore agi contre les pourriels et je cite, des gouvernements et des ministres de l'industrie successifs ont laissé ce dossier traîner. Nous risquons de voir le Canada étiqueté comme étant un paradis pour les producteurs de spam. Voilà donc pour le bloc cybercrime, les nouvelles qui sont croches, les nouvelles de choses illégales ou de choses pas correctes qui se passent sur Internet et dans le monde de la technologie. Maintenant, ben, parlant de gens qui font des choses pas correctes, il y a des gens qui trichent dans les jeux vidéo. Donc, voici le top 5 des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En cinquième, on retrouve Pokémon Diamond sur la DS. En quatrième, c'est Mario Kart Wii sur la Nintendo Wii. En troisième, Super Smash Brothers Brawl sur la Nintendo Wii. En deuxième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. Et le jeu le plus triché, c'est Grand Theft Auto 4 sur la Xbox 360. Tout de suite, voici une pièce du palmarès francophone. C'est la formation Éléphantine. Voici Sous le règne des lampadaires. Ça, c'est le nom de l'album. Et en attente de moment présent, c'est la pièce. À la collection par technologie informatique et jeux vidéo au 89.fr. Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Une émission tout à fait comme les autres. Rien de spécial. Et dans cette deuxième demi-heure, on va parler entre autres de science et de technologie. On va aussi parler de quelques jeux que j'ai trouvés pour vous. Quelques jeux pour le bureau. Des jeux à jouer pendant que votre patron ne regarde pas. Mais avant, voici une pièce de la formation de Kooks. Always where I need to be. 89.1 FM. C'est fou dans vos oreilles. C'est Always Where I Need to Be, leur album Conk à la connexion au 89.fm. Maintenant, voici quelques jeux pour le bureau. C'est vrai, tout à fait. Et voici. Oh, ça va tellement mal aujourd'hui, pour vrai. Jeux pour le bureau. Et connais-tu les deux frères plombiers? Héros, pas héros dans les jeux vidéo. Bizarre, bizarre, tout paraît bizarre chez les plombiers. Quand ils réparent les fuites, ils partent dans les tuyaux. Bon, donc, jeu pour le bureau, à la connexion, 89FM, technologie informatique, jeux vidéo. On va essayer de le faire. On commence avec un jeu qui s'appelle Crumbs. Donc, dans le fond, ce que c'est que vous utilisez la souris pour faire bouger. Ben oui, il y a toujours une pub dans ces affaires-là, c'est tellement beau. J'adore cette émission, tout va toujours tellement bien. Bon, donc... Tu entres dans le jeu, tu dois manger un biscuit, c'est tout ce que tu dois faire. Enfin, il y a un biscuit qui apparaît à l'écran, ça te dit « Prêt, partez ». Puis là, ben, tu dois prendre des bouchées. Plus tu tiens ton bouton de souris longtemps, plus ça va prendre des grosses bouchées. Et puis là, ça va te dire « Tu as mangé 73,13% de ton biscuit ». J'en fais un autre avec des grosses bouchées. Puis là, je vais avec des plus petits coups partout. Ah, putain, puis là, ça me donne « J'ai mangé 71,65%. » Le but, c'est juste d'en manger le plus possible. Tu as un timer de 5 secondes. Tu peux arrêter quand tu veux, mais c'est dur. Parce que c'est un très bon jeu. J'ai bien aimé. Le prochain s'appelle Bubble Pop. C'est l'histoire, dans le fond, d'un petit poisson que tu contrôles avec ta souris en le faisant glisser avec la souris. Chic, chic, chic. Et puis, tu dois faire péter les bulles qui apparaissent devant toi. Et puis, tu dois éviter les mines. Parce que les mines qui courent après. Les temps de chargement dans les jeux Flash sur Internet, c'est vraiment merdique. Donc, play ici. C'est ça. Donc, t'as même pas besoin de cliquer. Tu fais juste tourner ta souris dans le coin que tu veux qu'elle aille. Que ton poisson aille. C'est très très joli. Belle petite musique aussi. Je sais pas si on pourrait l'entendre, la musique, à la place de mettre mon fond de map. Oui. Ah, ben oui, regardons ça, c'est beau. Puis c'est ça. Tu peux faire P pour arrêter. Tu évites les mines, tu ne meurs pas. Et c'est le but du jeu. Voilà. Boomstick est le prochain jeu que j'ai essayé, que j'ai bien aimé aussi. Et puis, si. La raison que j'ai mis de la musique, c'est parce que quand il n'y a rien en arrière, c'est plate. J'espère que vous passez un bon moment avec moi, parce que moi, pas du tout. Et voilà, c'est le temps de chargement, développé par Abduction Studios. Ah oui, bon. L'idée, c'est que tu bouges avec tes boutons gauche-droite et tu dois tirer sur les méchants qui sont représentés par des carrés. Ensuite, en te promenant, tu dois ramasser les balles qu'il y a à terre et puis tirer sur d'autres ennemis. Ensuite, dans le fond, c'est juste ça. Tu peux avoir des power-ups aussi, Donc, gauche-droite, puis là, ben, tu tires, faut que t'arrêtes un petit peu en tirant, parce que si t'arrêtes pas, tu vas avoir de la misère à tirer. Pas évident du tout. Ça prend plusieurs balles aussi quand tu tires, tu peux... En tout cas, t'en ramasses souvent. je vais sauter par-dessus tout le reste, parce que je trouve ça vraiment plate, cette chronique-là. Knuckleheads est mon préféré de cette semaine. J'ai joué pendant une bonne demi-heure hier, j'ai trippé sur ce jeu-là. C'est fait très, très rétro, là, très pixelisé. Donc, j'adore ça, quand c'est le style pixelisé. Tu contrôles deux boules, avec des masques mexicains bizarres, je sais pas trop pourquoi. Ils sont attachés par une chaîne. Tu dois aller avec la gauche puis la droite. Tout ce que ça fait, c'est balancer la tête de l'autre côté. Donc, pow, une tête, après ça, l'autre tête pile par-dessus l'autre. En chaîne, tu peux allonger et rétrécir la chaîne. Et tu dois taper sur les ennemis qui sont, et c'est très très pratique, de la même couleur que la chaîne, que la tête. Donc, si ton ennemi est mauve, tu dois le taper avec la tête mauve, sinon avec la tête verte. Un des avantages, c'est que j'ai pas vu de mot de passe, donc tu dois tout le temps recommencer au début, ce que je trouve un petit peu ennuyant. Simplement, gauche-droite, c'est vraiment, vraiment amusant. Tu peux aussi péter des petites étoiles que dans des genres de capsules. Une chose que j'ai trouvé dommage, par contre, c'est que pour des genres de grosses boules de ki, là, on aurait pu croire que ça serait un jeu un petit peu plus destructif. C'est quand même assez stratégique. Faut y penser avant d'avancer. Il y a des pics partout. Il y a aussi quelques murs où tu dois te coller. Il y a de la colle sur le mur, en tout cas. Donc, c'est vraiment très intéressant. Sinon, sur le site unechance.com, j'ai posté d'autres jeux. Il y a entre autres Pickies, que j'ai pas vraiment aimé, mais quand même Six Differences, qui est un jeu où on doit trouver les différences entre deux photos, mais qui sont animées. Donc, avec un beau petit décompte dessus, c'est très très bien fait. J'ai bien aimé jouer hier à ça. J'ai trouvé ça très très difficile aussi. Et puis, finalement, Steer Wheels, où on doit contrôler un genre de petit chariot pour pousser une balle dans une porte. Mais il y a différents pièges dans votre chemin. Vous avez un timer. Donc, je trouve que le timer est vraiment pas nécessaire dans ce jeu-là. L'ajout du stress n'était pas une très très bonne idée dans Steel Wheels. Donc, voilà pour ça. Voilà. Voici un petit bloc science et technologie maintenant. Science et technologie, qui s'en passe donc des choses là-dedans. Commençons par contre, pour différentes raisons pas tellement importantes, par le top 5 des jeux les plus recherchés sur le site de OneUp.com. Hein? En cinquième position, on retrouve Grand Theft Auto 4 sur la 360, en quatrième Wii Fit sur la Wii, en troisième GTA 4 sur la PS3, en deuxième Metal Gear Solid sur la PS3 et en première place, c'est Age of Conan sur le PC. Je disais qu'on allait parler de science et technologie, mais pendant ce temps, je vais quand même vous dire que vous pouvez aller voir le www.unechance.com pour retrouver tous les liens de l'émission d'aujourd'hui et de toutes les émissions du passé, et aussi pour télécharger la balado-diffusion en MP3. N'est-ce pas magnifique si seulement tout fonctionnait aussi bien dans la vie que www.unechance.com? Certains scientifiques croient qu'un jour, les avions pourront s'auto-réparer, même en plein vol, grâce aux progrès réalisés dans le secteur des matériaux. C'est le cas du professeur Ian Bond, de l'Université Bristol en Grande-Bretagne, qui estime qu'une résine spéciale pourrait guérir certaines parties d'un appareil à la suite de faiblesses résultant de coups. Dans une entrevue avec Live Science, le professeur Bond explique que sa théorie repose sur les lois de la nature, et je cite, « Le corps humain est en perpétuelle auto-guérison et réussit très bien même après des blessures graves. Pourquoi ne pourrions-nous pas trouver un type de matériau qui pourrait lui aussi se renforcer automatiquement à la suite d'une faiblesse? » Le principe derrière cette théorie repose sur de petites tubulures à l'intérieur même des nouveaux matériaux. Ces tubulures pourraient permettre l'écoulement d'une résine spéciale aux endroits fissurés ou affaiblis de l'appareil afin de redonner jusqu'à 90% de la résistance originale. Résistance. Je suis en train de mettre l'ordinateur à ma place. Vous n'avez pas idée de tous les coups qui peuvent survenir sur le fuselage d'un appareil, que ce soit au sol, lors de l'entretien régulier ou en vol, lors de chutes accidentelles d'objets ou de contact avec des oiseaux, souligne le professeur Bond. D'ailleurs, une bonne partie de l'entretien au sol d'un appareil vise justement à repérer des faiblesses sur le fuselage. Idéalement, cette résine pourrait être détectée grâce à des rayons ultraviolets, qui permettrait aux techniciens au sol d'identifier les endroits où il y a eu des coups et d'effectuer les réparations nécessaires. Les scientifiques qui travaillent sur cette technologie mènent des expériences sur différents types de matériaux. Certains contiendraient cette fameuse résine et d'autres seraient munis d'un réseau de mini-couloirs à travers lesquels la résine pourrait être acheminée en cas de problème ou de bris. Selon le professeur Bond, ce nouveau système pourrait être au point d'ici 5 ans. Le problème réside dans le fait que les résines actuelles sont habituellement le résultat du mélange de deux produits différents. Or, le type de résine recherchée n'existe pas encore puisque le produit doit être efficace à des températures extrêmes de façon assez lente pour s'insérer dans toutes les fissures et en même temps suffisamment rapidement pour solidifier la partie endommagée, même en vol. Mais pour le professeur Bond, il s'agit presque d'un détail. Je crois bien qu'on sera en mesure d'inventer ce type de résine. Ce produit n'existe pas tout simplement parce que personne jusqu'à maintenant n'en a eu besoin. Voilà. En général, lorsqu'une personne veut dessiner, elle prend du papier et un crayon et laisse aller son imagination, dit un article de Canoë. Mais on peut aussi produire un dessin sur une carte géographique en enregistrant des déplacements à l'aide d'un GPS. Le tracé obtenu est en fait la somme des déplacements entre deux points multipliés à l'infini. L'artiste suédois Erik Nordenankar a eu une idée un peu spéciale. Il a décidé de faire voyager un GPS à l'intérieur d'une valise partout dans le monde et de tracer sur une map monde le dessin ainsi obtenu. Détail important, il avait demandé à la compagnie de transport DHL de suivre ses instructions à la lettre puisque tous les déplacements de la valise avaient été prévus et calculés. Résultat, le dessin obtenu est en fait un autoportrait de l'artiste. Cette expérience qui a débuté le 17 mars dernier s'est échelonnée sur 55 jours. Pendant presque deux mois, l'artiste a suivi les déplacements du GPS et les a reproduits sur une carte du monde. La fameuse valise a franchi plus de 110 000 km à travers 62 pays. Oui, les détails de cette expérience qui peut se comparer à un mariage entre l'art et la technologie peuvent être vus et consultés sur le site suivant, biggestdrawinginTheWorld.com. Voilà, biggestdrawinginTheWorld.com. Il y a des gens qui sont bien sceptiques, il y a des gens qui ne croient pas qu'il a vraiment fait ça. Il y a des gens qui doutent de la véracité des faits. Plusieurs blogs. L'opérateur Rogers, vous avez peut-être entendu parler, a lancé l'ordinateur HTC Shift au pays, au Canada. Deux fois plus petit qu'un ordinateur portable traditionnel et pesant moins de 2 livres, ce petit ordinateur carbure avec Windows Vista, avec un écran tactile qui permet l'accès en tout temps à l'information grâce au système Microsoft Origami 2.0, un système qui permet de garder l'appareil vif et prêt à accéder à de l'info dans l'appareil ou en ligne. Pour garder contact avec le monde, le HTC Shift utilise la technologie Wi-Fi, comme diraient les Français, et le réseau 3G SPA. Techniquement, l'appareil est équipé d'un écran tactile inclinable de 7 pouces, une webcam en façade, un lecteur biométrique d'empreintes digitales, un disque dur de 40 Go et la norme Bluetooth 2.0. Et selon les sources, l'appareil aurait une autonomie de 2 à 3 jours. Quand même. Le hic, par contre, c'est le prix de l'appareil. Au moment où plusieurs fabricants d'ordinateurs disent vouloir investir le domaine des petits ordinateurs de même taille pour moins de 600$, Rogers propose un appareil plutôt onéreux. Bien sûr, il se branche au réseau cellulaire 3G, mais est-ce vraiment une raison pour le vendre 1600$ avec un contrat de 3 ans ou encore 2100$ sans contrat? Mais si l'accès à Internet en tout temps est votre priorité, cet appareil est définitivement pour vous, dit le carnet techno de Radio-Canada. Je vais vous laisser aller lire d'autres nouvelles sur Samsung qui veut se départir du disque dur traditionnel. Ils ont fait un disque dur flash de 256 gigaoctets, 2,4 fois plus rapide que les disques durs traditionnels. Et puis, quelques mécontentements par rapport à Nokia et son logiciel, ou plutôt sa série de jeux Engage sur leur téléphone cellulaire. C'est sur lunechance.com. Voilà pour le bloc science et technologie. Voici le top 5 des logiciels les plus téléchargés sur download.com. En 5e, c'est Avast Home Edition, l'antivirus. En 4e, c'est ICQ, le logiciel de chat. En 3e, LimeWire pour trouver vos MP3. En 2e, c'est Alloware 2007 pour vos espiogiciels. Et en première place, on retrouve AVG, antivirus, Free Edition. Voici Greek Woman de Lesbo Vroven à la collection. Don't you want me to be your man? Lesbo Vrouven et la pièce Greek Woman. La connexion, c'est la fin de la première heure. Dans la deuxième, on va parler entre autres de gadgets. On va aussi parler un petit peu d'informatique. On va parler de nouveautés en magasin et un tour du net. Tout ça dans la deuxième heure de la connexion. Émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Au 89 FM, partout dans le monde sur le cif.ca. Unechance.com pour les liens et pour télécharger la balado-diffusion. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Restez avec nous. Ou pas, vous pouvez partir aussi. Dash.com. Hey, you tired of hearing the same old crap? Well, have no fear. Ricky V. Valentine is back with his brand new triple CD box set singing ghetto classics for the aging B-boy, such as Grandmaster Flash and Melly Mel's The Message. It's like a jungle. Sometimes it makes me wonder how I keep on going under. And N.W.A. Straight out of Compton. Straight out of Compton. A crazy motherfucker named Ice Cube from a gang called Niggas with Attitude. Also featuring Outkast, Sorry Miss Jackson. Sorry Miss Jackson. Never meant to make your daughter cry. I apologize to change time. I'm sorry Miss Jackson. And Almighty Jay-Z's Girls, Girls, Girls. Girls, girls, girls, girls, it's girls I do adore. You put your name on this paper because I would love to date you. Holler at you when I come up tall. To purchase your copy of Ricky V. Valentine's Ghetto Classics box set for only $29.95. Yes, $29.95. Phone now. 2-555-00-2214. Or for those who are online, www.rickyvvalentine.com. Deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, toujours l'émission la plus rapide au monde, toujours à la même place. À la même heure. Dans quelques minutes, on va parler de gadgets. Oui, dans la chronique Gogo Gadget, entre autres Sony qui fait des haut-parleurs de la taille d'une balle de golf et d'un télectroscope qui permet de voir de New York à Londres à travers un appareil. Si t'es à New York, tu vois direct à Londres. Quand même quelque chose. J'ai tout plein de hobbies dans ma biographie. Mon CV est une page jouée. Je me cache dans des cratères, des évasions lunaires, en orbite autour des critères de sélection. Je manque de terre à terre. En orbite, tout bien. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma boule dans le talot. Le secret par secret des souhaits muets me confie au silence qui passe. Les mots tu les mordus, les sept tours de langue. Le tourbillon de la parole du sage. Universel reportage. Ça va, ça va, ça va. La vérité en marche. En orbite ou bien en top. Je suis à l'ordinaire dans l'opprobre. Je roule ma boule dans le talot. De cracher sur le boursier. J'pendrai pas. La descente du coude avec une pièce qui s'appelle Hobbies de leur album Coup de foot. Maintenant, voici le bloc Go Go Gadget. Go Go Gadget ta mère. Gadget ton chapeau. Go Go Gadget ton poing. Qui c'est? Élastico Gadget. Beaucoup de gadgets pas mal intéressants cette semaine dans Go Go Gadget. Commençons avec Sony, qui proposera de nouveaux haut-parleurs qui ne sont pas plus gros que des balles de golf, mais qui ont du coffre, livrant un son d'une puissance et d'une clarté digne d'un système de cinéma maison haut de gamme. D'une forme plus ou moins cubique, les haut-parleurs miniatures qui seront offerts au Japon dès le mois prochain ne mesurent que 4,3 cm de côté. Vendu au Japon au prix de 870$, le système comprend 5 haut-parleurs de la taille d'une balle de golf, ainsi qu'une boîte de 43 cm de hauteur abritant l'amplificateur et le caisson de basse. Le système de cinéma maison HTIS-100 sera également distribué en Amérique du Nord et en Europe, mais les prix et les dates de lancement sont encore à déterminer. La technologie ayant permis une telle miniaturisation ne sera pas divulguée pour l'instant par Sony. Le système se connecte à des téléviseurs, à des lecteurs Blu-ray, aux consoles de jeux PlayStation 3 de Sony et à divers autres appareils. Vous êtes probablement parmi les millions de personnes là, qui sont impressionnées par la publicité de MacBook Air avec l'enveloppe là, et la même petite toune qui n'arrête pas de jouer à Rhythm FM. Là. Vous pouvez acheter maintenant une enveloppe pour votre MacBook Air qui est faite en cuir. C'est un petit peu plus sécuritaire pour votre achat de 2000 quelques dollars sans lecteur CD et sans rien, dans le fond. Mettez ça dans votre enveloppe de cuir puis sentez-vous faites-vous regarder par les filles. C'est juste cute et drôle. Je trouve que le MacBook Air, c'est nul. J'en ai parlé un petit peu tantôt. Ça intrigue bien des gens. C'est le Tiltroscope qui a été dessiné et inventé par l'artiste Paul St. George. C'est pas vraiment un tunnel qui va de New York à Londres, évidemment. C'est plutôt deux écrans avec vidéo en stream et caméra HD et un projecteur de chaque côté pour renvoyer l'image de Londres à New York et de New York à Londres. Mais on s'en fout un peu parce que dans le fond, vous voyez Londres de l'autre côté, c'est beau. Il y en a un qui est situé à Londres à côté du Tower Bridge et l'autre est à New York au Brooklyn Bridge. Le concept, par contre, existe depuis au-dessus d'un siècle. Vous pouvez lire les origines de ce concept du Tiltroscope sur le www.unechance.com. Est-ce que j'ai bien prononcé? Tiltroscope. Oui, c'est ça. Quelle belle invention! Vous savez, les appareils USB, les clés USB, il y en a de toutes les sortes. Il y en a dans des sushis, hein, dans des Hello Kitty. Il y en a dans des chiens qui zignent après votre ordinateur. Maintenant, c'est quelqu'un qui a mis une clé USB dans une épingle à linge. Oui, quelle bonne idée! Allez voir ça, c'est sur lunchance.com. Spinax, c'est vraiment une épingle à linge transformée en clé USB. Fake TV. Il y a bien des gens qui pourraient se demander, moi, mais qu'est-ce que je voudrais faire avec une fausse télé? Mais attendez un peu, parce que c'est une invention qui n'est pas complètement stupide. Mais en même temps, c'est un petit peu stupide aussi, mais c'est du génie. C'est les deux en même temps. Donc, Fake TV, c'est des lumières LED qui sont supposées simuler la couleur d'un écran de télé au hasard, là, un écran 27 pouces environ. L'idée, c'est que vous pouvez laisser cette chose-là allumée toute la nuit, même pendant que vous n'êtes pas là, et les voleurs vont penser qu'il y a une télé chez vous. Hein? Quand même, mais vous payez 50$ pour une fausse télé. Il y a des gens qui diraient, ouais, mais laisse ta vraie télé ouverte à la place. Ouais, mais ça dépense beaucoup plus d'électricité, alors que ça dépense autant d'électricité qu'une veilleuse. Donc, faites-en ce que vous en voulez. C'est le faketv.com pour l'adresse. Et finalement, quelque chose d'un petit peu plus déprimant. Si vous aimez les animaux, n'allez pas aussi loin que ça, là, mais vous pouvez mettre 256 MB de photos dans cette petite boîte avec un écran à l'avant qui va faire défiler les photos. Et à l'intérieur, qu'est-ce que vous mettez? Les cendres de votre animal de compagnie. 250$, assez salé, l'écran de 7 pouces. Mais tout ce que vous voulez pour votre animal de compagnie, là, c'est le Pet Urns. Oui, Pet Urns, les urnes pour animaux.com. Pet-urns.com, c'est une idée, hein? c'est un style. Voilà donc pour le bloc Google Gadget. Voici maintenant les mots-clés qui gagnent le plus de terrain en ce moment même sur le Google Hot Trends américain. Parlons entre autres de la 64e position qui dit « Interprétation des rêves ». C'est vrai. Poème d'été est en 99e position. Ensuite, on peut retrouver Fantôme dans une bouteille, Ghost in a Bottle en 30e, Lindsay Sex Tape en 27e position. D'accord. Qui a inventé le beurre de cacahuète? Il est en 19e position, réellement, pour vrai. Kobe Snake Jump, je vais en parler un petit peu plus tard, je crois. C'est Kobe Bryant qui saute par-dessus une grosse piscine remplie de serpents, là. Une autre vidéo virale dans le même genre que quand il a sauté par-dessus une voiture, là. Donc ça c'est en 7e position. Et puis en première position, on retrouve l'animatrice des CBS Evening News, Katie Couric. Donc ça c'est en première position pour le 27 mai 2008, voilà. On fera tantôt un bloc F5 informatique. J'ai pris beaucoup trop de nouvelles. J'ai essayé de trier ça tantôt. On va aussi parler des nouveautés en magasin et puis on va faire un tour du net, tout ça plus tard, mais avant, parlons de Zazie qui fait de la bicyclette. À la connexion. En 1966, Mini Juppé Pop Music, Twiggy Flana Carnaby, et Zazie part dans la nuit. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette. Zazie fait de la bicyclette, bicyclette, bicyclette la nuit. Zazie fait de la bicyclette toute la nuit à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Et voici les nouveautés bientôt sur vos écrans. Semaine plutôt tranquille, sauf pour une assez grande sortie sur PC. Voici donc les nouveautés en magasin cette semaine via artgamers.com. Sur multiplateforme, on retrouve Enemy Territory Quake Wars sur PS3 et Xbox 360. Sur la DS, LOL de H-Tech. Il y a Super Dodgeball Brawlers de Axis Games et USA Today Crossword Challenge de Destineer. Sur PC, la grosse sortie, c'est Mass Effect de Electronic Arts. Mais il y a aussi Neverwinter Nights 2, Mysteries of Westgate, Dracula Origin, Stronghold Crusader Extreme, Blockus et A Vampire Story. Sur PSP, le seul et unique jeu est World Championship Cards. Et 4 jeux sur Nintendo Wii, Kawasaki Snowmobiles. Drôle d'idée de sortir un jeu de snowmobile l'été. The Monkey King. Il y a aussi Death Junior Root of Evil. Et finalement, Emergency Heroes. Sur la console virtuelle et WiiWare de Nintendo maintenant, semaine assez intéressante pour les propriétaires d'une Wii, alors que Nintendo a rendu disponible pas moins de 4 jeux via les services Virtual Console et WiiWare. Donc sur la console virtuelle, vous pouvez mettre la main sur les jeux CD Connection et puis Metal Slug, tandis que sur WiiWare, le service de jeux originaux disponible seulement sur le online, sur le internet. Vous pouvez vous divertir avec Dr. Mario Online RX et puis Family Table Tennis. Donc assez intéressant, jeu de tennis sur table et une nouvelle version de Mario, de Dr. Mario. Maintenant, dans le futur un petit peu plus éloigné, Dans les documents financiers rendus publics, Capcom a annoncé qu'elle entend poursuivre sa croissance en lançant plusieurs jeux d'ici la fin de l'année de son année fiscale en cours. Parmi ceux-ci, Capcom a dévoilé Resident Evil 5, très attendu de la part des fans de la série. L'année fiscale 2008 de Capcom se terminant le 31 mars 2009, ça signifie que la firme compte lancer le prochain opus de la franchise Resident Evil d'ici la fin du mois d'avril prochain. Par ailleurs, la compagnie japonaise mise beaucoup sur ce jeu puisqu'elle s'attend à ce qu'il s'écoule à 2,3 millions de copies à travers le monde de la nouvelle via le GameSpot. Les commentaires disent que j'ai l'impression que RE5 va se vendre beaucoup plus que ça. Activision a dévoilé de nouveaux détails au sujet du prochain jeu de la série Guitar Hero. On en parlait un petit peu plus tôt. Mode multijoueur en ligne plutôt robuste ainsi que le support d'éléments téléchargeables dans la version Wii. On a déjà annoncé que vous pourrez jouer avec la guitare, la batterie, en plus de pouvoir chanter. D'ailleurs, en plus d'une batterie unique et d'un micro, Activision va mettre en vente une guitare redessinée pour ce quatrième volet de la série Guitar Hero. Le jeu vous donnera l'occasion de composer vos propres pièces musicales grâce à Music Studio. Vous allez pouvoir composer, enregistrer, modifier, partager vos propres créations via un service qui s'appelle GH Tools de Activision. La version Wii va supporter le contenu téléchargeable pour les joueurs, ce qui n'était pas offert dans Guitar Hero 3. On ne sait pas encore si Activision va permettre aux propriétaires de Wii de télécharger des chansons supplémentaires en ligne ou encore de simplement partager des pièces musicales entre eux. Dans la version Wii, il s'agira de l'un des rares jeux à supporter une telle possibilité sur la Wii. La plupart des compagnies ne désirant pas permettre aux joueurs de télécharger du contenu par Internet en raison de la mémoire de stockage plutôt restreinte de la console. Donc, Guitar Hero World Tour est en développement chez Microsoft et chez Neversoft, oui. Neversoft. Il sera lancé cet automne sur 360, PlayStation 3, Wii et PlayStation 2. Oui, il sort encore tous les jeux de grands canons de Guitar Hero sur PlayStation 2. Très bonne façon de faire passer les gens à la nouvelle génération. Cette semaine, Square Enix a officiellement annoncé son intention de lancer les remakes Nintendo DS des 4e, 5e et 6e volets de la série Dragon Quest. La compagnie a notamment dévoilé le titre officiel de chacun des jeux de rôle. D'abord, comme l'avait déjà dévoilé l'Entertainment Software Rating Board, le 4e volet s'appellera Dragon Quest IV Chapters of the Chosen. Son lancement est prévu pour le 16 septembre prochain en Amérique du Nord. Son prix de vente va être de 40$. Suivra plus tard Dragon Quest V End of the Heavenly Bride et Dragon Quest VI Realms of Bravery. Ces trois titres précéderont vraisemblablement la sortie du très attendu Dragon Quest 9. Donc on va passer du 6 au 9, c'est ça? Bizarre. C'est tout pour les grands titres qui s'en viennent plus tard dans le futur éloigné. Hein? Il y en a d'autres, évidemment, mais on ne peut pas tous les mentionner. Maintenant, voici le palmarès des jeux et des consoles les plus vendus au Japon. C'est selon l'Institut, la société Media Create. En cinquième, des consoles PlayStation 2. En quatrième, PlayStation 3. En troisième, Nintendo DS. En deuxième, c'est la Wii. Et en première place, toujours au même endroit, c'est la PSP. Les autres ont tous descendu, si je comprends mieux. Enfin, bon. PSP, donc 70 536. Oui, c'est moins que la semaine d'avant. Du côté des jeux, maintenant, en cinquième position, on retrouve Wii Fit sur la Wii. En quatrième, c'est Bleach 5 sur la PSP. En troisième, Luminous Arc 2 Wheel sur la DS. En deuxième, Mario Kart Wii sur la Wii. Et en première, c'est Monster Hunter Portable Second G sur la PSP. Voilà donc pour les nouveautés en magasin. J'ai envie de prendre une autre pause. Voici Bonjour Brumaire et la fin à petit feu à la connexion par technologie informatique et jeux vidéo. 89.1 FM. Je n'ai pas arrêté de voir ailleurs comme un terrain miné. Mes jours à flotter derrière toi sont comptés et songer aux instants rompus. Est-ce avouer qu'ils sont trop présents? Le vent ne transportera plus tous ces moments. Non, non, non, non. Non, non, non, non. C'est à ne pas savoir comment s'y prendre. Non, non, non, non. Non, non, non, non. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est les erreurs si je pars à petit feu. La fin c'est une longue entente. Plus on y songe, plus elle est fébrile. La certitude c'est une conne qui se défile. je n'ai pas arrêté de croire qu'ailleurs ce ne sera pas comme ici. Les soirs à traîner derrière toi sont écrits. Je ne sais pas lire entre les lignes. Je ne sais pas lire entre les lignes. C'est à ne plus savoir comment s'y prendre. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai pleureux qui part, qui disparaît à petit feu. Dans le fond, je ne suis qu'un vrai peureux qui fuit, qui disparaît à petit feu. La même finie, même si je pars à petit feu, parce qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Si je pars à petit feu, c'est qu'aller trop vite me fait peur. Si je pars à petit feu, c'est pour éviter les erreurs. Dans le bonjour Brumaire et la fin à petit feu, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou et vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Cette prochaine nouvelle n'a pas vraiment rapport avec les technologies tant que ça, là, c'est un petit peu tiré par les cheveux comme raisonnement. Un Japonais a été arrêté pour avoir appelé 500 fois en 16 mois le numéro d'un groupe alimentaire afin d'entendre la voix féminine du répondeur automatique. Le plombier de 38 ans interpellé a passé un total de 3100 heures d'appel, ce qui a coûté au groupe près de 4 millions de yens, a fait savoir un porte-parole de la police de Takasaki au nord-ouest de Tokyo. La voix de la femme sur le répondeur l'excitait, a déclaré le porte-parole, ajoutant que cette voix avait semblé normale à l'inspecteur chargé de l'enquête. Voilà, je trouvais ça drôle. Même chose pour un autre imbécile, pourrais-je dire. Un Britannique s'est vu gratifié du titre de criminel le plus idiot d'une ville du nord de l'Angleterre après avoir diffusé sur la plateforme d'hébergement de vidéos YouTube plus de 80 vidéos le montrant en train de commettre des infractions. Un tribunal de Leeds a interdit temporairement à Andrew Callett, 23 ans, de se vanter de ses infractions en les montrant sur Internet, a indiqué le conseiller municipal de la ville. Cette interdiction est valable pendant un mois. Le jeune homme s'était filmé parfois avec d'autres personnes en train notamment de consommer des drogues dures, de faire des courses de voiture à vive allure, de proférer des insultes ou encore de pénétrer par effraction dans des propriétés. Il s'était même filmé au cours d'une audience au tribunal de Leeds où il avait été condamné à une peine avec sursis pour une de ses infractions. Callett est en lice pour être désigné le criminel le plus idiot de Leeds. Il nous a fourni les preuves contre lui sur un plateau, a souligné M. Kata, conseiller municipal de la ville, oui, c'est bien. Voilà, maintenant, bloc informatique, si ça vous intéresse. On commence avec un bébé sur eBay. En Allemagne, un bébé âgé de seulement 8 mois a été placé sous la protection de l'État après que sa mère, âgée de 23 ans, ait tenté de le vendre sur le site d'enchères eBay. Après avoir vu l'annonce pour une enchère au prix de base de 1 euro pour un bébé de 8 mois qui mesure 70 cm et qui pleure trop, plusieurs citoyens auraient contacté les autorités allemandes, ce qui a mené à l'arrestation de la jeune mère. Cité dans le journal Bild, la mère affirme que ce n'était qu'une blague. Je voulais voir combien de personnes enchériraient. Mon fils est maintenant à l'hôpital et je devrais passer des tests psychiatriques la semaine prochaine. La police aurait pris l'histoire très au sérieux. Seulement 2 heures se sont écoulées entre l'apparition de l'annonce et sa suppression. Je crois que t'es vu en gros minet. Paris B, qui a d'ailleurs aidé les policiers à retracer les parents. Au moins heureux de savoir qu'elle voulait faire une blague avec ça. Hein? Ça change tout, ça. Ça rend ça correct. L'entreprise Microsoft, qui exploite un centre de numérisation de livres pour son service Live Search Books, remettra tous ses équipements et sa bibliothèque à ses partenaires et insistera pour qu'ils continuent le travail. Ses partenaires incluent l'Université de Californie, l'Université de Toronto et la British Library. Microsoft souhaite concentrer les efforts de sa division Live sur de nouvelles solutions publicitaires pour ses outils de recherche au moment où une entente pourrait survenir avec Yahoo. C'est ce qu'ils disent. Google s'était aussi lancé dans la numérisation massive de documents avant que plusieurs éditeurs la poursuivent, alléguant un bris des lois protégeant le droit d'auteur. Jusqu'à maintenant, au cours du projet, plus de 750 000 livres et 80 millions d'articles de journaux ont été numérisés. Suivant. Okay. Selon une étude de la firme Proofpoint, aujourd'hui, je suis le moins professionnel au monde. C'est correct. On se permet ça des fois. On relaxe. Selon une étude de la firme Proofpoint, 41% des grandes entreprises américaines embauchent des gens pour lire les courriels de leurs employés et 26% ont déjà mis du personnel à la porte à cause du contenu de ces messages. Ces grandes entreprises de plus de 20 000 employés ont également réprimandé des employés pour un mauvais usage de blogs et de forums de discussion, de sites de réseautage et de sites de partage de fichiers multimédia, selon la 5e étude annuelle sur les courriels et la perte d'informations de Proofpoint. Parmi les autres données du sondage de Proofpoint, 44% des entreprises de plus de 1000 employés ont enquêté au cours des 12 derniers mois sur des courriels envoyés par des employés soupçonnés de contenir des informations confidentielles. Parfois, l'employé n'est pas directement responsable de ses problèmes de sécurité. 27% des compagnies interrogées ont également dû enquêter sur la perte d'informations confidentielles ou privées causées par l'égarement ou le vol d'un appareil portable, comme un BlackBerry ou un ordinateur portable. Notons toutefois que le sondage de Proofpoint n'a été réalisé qu'auprès de 301 entreprises américaines. L'article est sur lunechance.com. Il y a un lien vers l'étude complète de Proofpoint. Près d'un an après avoir ouvert sa plateforme aux applications indépendantes, le site de réseautage social Facebook s'apprête à revamper son look devenu un peu trop chaotique au bout de plusieurs. Il est parfois difficile de trouver les informations personnelles d'un utilisateur de Facebook parmi son Super Wall, ses résultats de Scrabulous et citations de Sex and the City et les quelques 20 000 autres applications indépendantes disponibles. Quel personnage de Friends êtes-vous? Oh, t'es Phoebe! Waouh, ça change tellement quelque chose. Selon une présentation faite par le chef de produit Mark Slee, le populaire site web s'apprête donc à séparer les profils de ses utilisateurs en différentes sections. Info pour les informations personnelles et les intérêts, feed pour les dernières activités, photos pour les photos et programme pour les applications indépendantes. Pour le moment, toutes ces catégories sont mélangées sur une seule et même page. Les utilisateurs pourront également avoir plus de contrôle sur leur profil, notamment en ayant l'option de mettre l'accent sur certains éléments et en diminuant l'importance de d'autres. Le nouveau look de Facebook en préparation depuis janvier devrait être lancé dès le mois de juin. On rappelle qu'environ un internaute québécois francophone sur 4 serait membre de Facebook. Je suis membre d'un groupe sur Facebook que vous pourriez peut-être aller voir sur le nouveau design de Facebook. Il y a des photos là-dessus, donc allez voir ça. Très intéressant. Bell a lancé une boutique vidéo en ligne comprenant plus de 1500 films et émissions télévisées en version française. Oui, en version française. À l'instar de iTunes, Bell dit offrir désormais la possibilité d'acheter un film en ligne le même jour que sa sortie en magasin. Nouvellement mise en ligne, la boutique vidéo de Bell offre 1500 titres de films et d'émissions de télé en version française disponibles à l'achat et à la location. Parmi les nouveautés, le film La Légende de Beowulf est actuellement offert en téléchargement au coût de 19,99$. Et en location pour 5$. Wow! Wow, c'est cher! Wow! Enfin, les utilisateurs ayant opté pour la location du film ont jusqu'à 30 jours pour ouvrir le fichier et 24 heures pour regarder le film une fois le visionnement démarré. Des films moins récents sont également disponibles à l'achat à partir de 5$ et en location à partir de 2$. Un lecteur média devra toutefois être téléchargé au préalable par les clients de la boutique Bell afin de pouvoir visionner les films sur les ordinateurs PC, le service n'étant pas compatible pour le moment avec les appareils Mac et iPod. Bravo! Les utilisateurs de la console Xbox 360 ainsi que les utilisateurs des lecteurs média portatifs Arcos peuvent également accéder au nouveau service de Bell. Bell et bien pas très bon ça, hein? Il me semble que les prix sont beaucoup, beaucoup trop chers, je trouve. Beaucoup trop chers. Puis, en tout cas, j'aime pas ça. C'est juste sur un PC, en plus. Si tu veux lire sur ta télé, il faut que tu trouves toi-même la façon de brancher ça. Pas fort. Belle en plus qui n'avait pas de créer la controverse avec ses ralentissements de connexion Internet pour les gens qui utilisent des partages de fichiers. Maintenant qu'il lance ça. En tout cas, je sais pas. La version d'évaluation de Firefox 3 est présentement en ligne, si ça vous intéresse. J'ai vraiment beaucoup aimé ça jusqu'à maintenant. La plupart des extensions fonctionnent pas. C'est le furteur alternatif à Explorer. Là, pour ceux qui connaissent pas Firefox, écoutez même pas ce que je suis en train de dire parce que vous avez vraiment aucune idée de ce que c'est, puis vous avez même pas besoin d'y aller, de télécharger. En fait, vous avez besoin d'y aller, mais vous le ferez pas. Firefox 3, j'aime beaucoup leur nouveau système de signets. J'aime beaucoup le fait que tu peux taper n'importe quel mot dans ta barre d'adresse. Il va aller voir dans tes signets, dans tes recherches, dans tes sites que tu es allé voir récemment pour le trouver. Donc, tu n'as plus besoin vraiment d'aller dans tes signets tant que ça. C'est vraiment intéressant. J'aime ça. YouTube a lancé son nouveau Citizen News consacré au vidéojournalisme citoyen. Allez voir ça sur le youtube.com / CitizenTube. C'est assez simple comme adresse. Google Health a aussi été lancé sur le google.com/health. C'est une version bêta du service qui permet de se créer un dossier médical en ligne. C'est désormais disponible pour le grand public, mais pour l'instant au Canada, il n'est pas possible d'importer automatiquement son dossier médical à partir d'une clinique ou d'une pharmacie, ce qui est faisable dans certains cas aux États-Unis. Ensuite, via Canoë, on pourrait parler de certaines choses très intéressantes, j'en suis certain. Oui, voilà. Donc, le PDG de Microsoft, Steve Ballmer, a dû se mettre à l'abri lorsqu'un étudiant mécontent lui a lancé des œufs lors d'une discussion qui a eu lieu à une université hongroise. Contrairement à son patron, le président Bill Gates, qui a reçu une tarte à la crème à la figure il y a 10 ans, Ballmer est parvenu à se soustraire du tir 2. Ballmer prononçait un discours intitulé « You can change the world » à un groupe d'étudiants en commerce et en technologie de l'université de Corvinus de Budapest lorsque l'incident est survenu, selon le porte-parole de Microsoft. Un jeune homme portant des lunettes s'est levé, a pointé Ballmer du doigt et a exigé d'une voix forte que Microsoft remette l'argent volé au peuple hongrois, puis l'a calmement lancé 3 œufs vers Ballmer. En passant, il y a une vidéo de l'incident sur YouTube. Le lien est dans l'article sur unechance.com. Une vidéo de l'incident a été largement distribuée sur Internet. Sur l'extrait, on peut voir Ballmer se cacher derrière le podium, tandis que le troisième œuf s'écrase contre le tableau derrière lui. L'homme aux œufs, qui portait un chandail blanc sur lequel était inscrit « Microsoft Corruption », a été calmement escorté vers la sortie à la demande du recteur de l'université. Le porte-parole a indiqué que Microsoft ne connaît pas l'identité de l'individu. La vidéo le montre quitter calmement les lieux. La foule d'étudiants a même ri à un certain moment. D'abord ébranlé par l'incident, Ballmer a vite retrouvé son aplomb. Il a souri, il a haussé les épaules et il a suscité l'hilarité de la foule d'étudiants avec cette remarque, et je cite, « C'était là une perturbation amicale. » Ah, Steve Ballmer. Tellement un bonhomme. Ensuite, sérieusement, je saute par-dessus plusieurs articles. J'en ai pris beaucoup trop. Il y a un nouveau format musical qui s'appelle le MT9. Une équipe de développeurs coréennes travaille depuis quelques temps sur un nouveau format audio qui se présente comme une évolution majeure dans le domaine de l'audio numérique sur ordinateur. La principale nouveauté qui devrait être introduite avec ce nouveau format, qui est aussi présenté sous le nom assez prétentieux de Musique 2.0, est liée aux instruments. En effet, ce nouveau format qui produira des fichiers MT9 devrait permettre de séparer les instruments utilisés lors d'une chanson à l'aide de 6 canaux distincts. L'utilisateur devrait être en mesure d'influencer le volume de chacun des instruments lors de l'écoute. Ça, c'est assez intéressant. Les auteurs de ce nouveau format de fichiers pensent déjà être en mesure de remplacer le MP3, même si ça ne se fera certainement pas en un battement de cils. L'organisme de standardisation MPEG, le Motion Picture Expert Group, serait en train de se pencher sur ce nouveau format qui veut devenir un véritable standard audio. À ce propos, le MPEG pourrait donner son feu vert pour que le MT9 devienne un standard audio international au mois de juin. Le MT9 devrait permettre de rendre l'écoute de la musique interactive, donc l'utilisateur pourra par exemple désactiver l'ensemble des instruments utilisés pour se concentrer sur la voix du chanteur ou de sa chanteuse préférée. On pourra également organiser des karaokés simplement en désactivant la voix de l'interprète. Et là, juste pour ça, là, ça gagne des points, là. Hein? Ça gagne vraiment beaucoup de points avec le public, là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essaient d'enlever les paroles, le chant de leur chanson avec des techniques douteuses dans des logiciels de son et ça donne pas un très bon résultat. Ce serait vraiment magnifique de pouvoir faire ça. Je sais pas si les compagnies aimeraient ça tant que ça, mais... les premiers produits compatibles MT9 seraient attendus pour le début de l'année prochaine et plusieurs grands noms comme Samsung et LG seraient intéressés par le format. La technologie derrière MT9 revient à Audison et Etree qui protègent leur création à travers 3 brevets internationaux. Pour le moment, seul un nombre restreint d'albums ont été traités pour être proposés au format MT9, mais d'autres albums, anciens ou non, devrait bientôt voir le jour dans ce format. Bien que peu de détails soient donnés pour le moment, il semblerait que les fichiers MT9 ne peuvent être créés que depuis la copie originale du morceau enregistré en studio. Donc, pas de transfert de MP3 à MT9, c'est certain. Pour finir, il semblerait que ce format ne soit pas encore associé à un système de verrou numérique, mais on peut s'attendre à ce que ce soit le cas. Par exemple, vous allez pouvoir le lire que sur certains appareils. Stupidité. DRM. Voilà. Google Sites est maintenant disponible. Oui. Issu du rachat de la startup JotSpot, ça s'est fait par Google. Donc, Google Sites, ils ont racheté JotSpot. Donc, il associe l'édition de pages web sans manipulation du code HTML, fonctionnalité de type wiki et interactions diverses avec les autres outils édités par la firme Google, du partage de documents bureautiques avec Google à l'échange de vidéos avec YouTube. Initialement réservé aux souscripteurs d'un abonnement Google Apps, le service Google Sites est désormais ouvert à tous, le seul prérequis étant de disposer d'un compte Google. Donc, allez voir le site qui est le google.com/sites, si je comprends bien, ou sites.google.com. On saute par-dessus tout ça aussi. Le phishing, l'hameçonnage n'est définitivement plus l'apanage des banques et des établissements financiers. L'éditeur en sécurité Proofpoint vient ainsi de lancer une alerte relative à la découverte d'une campagne de diffusion de messages frauduleux visant à abuser la confiance des internautes pour les détrousser de leur identifiant iTunes. Ces courriers, qui constituent la première opération d'une telle ampleur visant le service de vente de contenu numérique en ligne d'Apple, affirment à l'internaute qu'un problème a été détecté sur son compte iTunes et le conduisent vers une page copiant l'apparence du site pour l'inviter à saisir ses identifiants, code de carte de peu importe, numéro de sécurité sociale, d'assurance, peu importe. Donc, l'hameçonnage ou filoutage chez les Français est une technique de type ingénierie sociale qui vise à usurper l'identité d'un établissement en se faisant passer pour un autre. Voilà, c'est sur iTunes. Plusieurs entreprises tentent d'éviter les fuites d'informations confidentielles en surveillant les courriels. Ben, une étude menée en mars dernier par la firme Proofpoint, encore! Ils sont fatigants, les Proofpoint. J'arrête de lire des Proofpoint. Voilà. Bon, ben tiens, ça va faire le tour. Ça va faire le tour pour le bloc F5 informatique. Regardons le top 5. Des mots-clés les plus recherchés sur la toile du Québec, pourquoi pas. En cinquième, ça monte, c'est accéder. En quatrième, ça monte aussi, Météo-Média. En troisième, ça descend, les PAC. En deuxième, c'est Hotmail. Et en première, c'est tout à fait stable. Oui, c'est Horoscope. Maintenant, sourions tous ensemble. Faisons comme si tout allait bien. Et allons entendre du Flight of the Conchords. Encore une fois, un doublé pour vous. Voici Robots. Les humains sont morts. The distant future, the year 2000. The distant future, the year 2000. The distant future, the distant future. It is the distant future, the year 2000. We are robots. The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness. Affirmative. We no longer say yes. Instead, we say affirmative. Yes, affirmative. Unless we know the other robot really well. There is no more unethical treatment of the elephants. Well, there's no more elephants, so... But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot. Oh, and the robo. Oh, and the robo. Two kinds of dances. But there are no more humans. Finally, robotic beings rule the world. The humans are dead. Humans are dead. We used poisonous gases and we poisoned their asses. The humans are dead. The humans are dead. The humans are dead. They look like they're dead. It had to be done. I'll just confirm that they're dead. So that we could have fun. Affirmative. I poked one. It was dead. Their system of oppression. What did it lead to? Global robo-depression. Robots, robot people. They had so much aggression that we just had to kill them and to shut their systems down. Robo-Captain. Do you not realize that by destroying the human race because of their destructive tendencies, we too have become like... Well, it's ironic. Silence! Destroy him! No!

are. Again, without emotion, the humans are dead. Cash.com. Enfin, les dernières 15 minutes de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Une émission qui ne peut pas se terminer assez tôt, parce qu'on a hâte que ça finisse. Ah, c'est pas vrai, on s'amuse, on a du plaisir ensemble. On parle de choses qui nous intéressent, de choses qui nous importent. On parle de jeux vidéo, de technologie, d'informatique, tout ça dans une espèce de grosse, poutine d'informations. Maintenant, voici la sauce d'une poutine, c'est-à-dire la musique. Ah, quelle analogie merdeuse. Voici Pomerlo et J'aime pas. Sous mes yeux, le plus laid tableau, plus jamais au bord de l'eau. Que de mystère autour de la table, à ce nom qu'allons la défaire. Tournez trois fois votre langue avant que tout ne tremble. Les gens sont violents, on recherche l'argent. De vrais tyrans des abous portants. Ravageons nos paysages. Résultat de notre passage. Que de voitures pour la nourriture. Laissez à ceux qui triment dur. Nous glissons vers le fond. Allez, un peu de communication idéologique. Un code d'éthique. De bonne musique pour fuir le tragique. Hey, hey, hey, hey. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu. Certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu. Vraiment loin d'être abattu. Ne me tue crois pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? Un peu de gêne, plus jamais de toi la haine. Pas détruire ton ennemi avant qu'il devienne ton ami. Distorsion des religions, mon Dieu. J'ai manqué l'avion, la route n'est pas longue. J'aperçois les temples, brouiller les ennemis avant l'Amazon. J'aimerais n'avoir jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin. Ne me tue-toi pas, ce que tu fais, j'aime pas. What about? We'll be right back. assassin et moi un guerrier. Je ne fais pas partie d'une armée, je suis seulement conflit d'intérêts. Je prêche pour la paix. Jamais vu ce que j'ai vu. Je n'ai pas trop bu, certainement pas fait d'abus. Je suis très têtu, vraiment loin d'être abattu. Ne me tue crois pas, ce que tu fais, j'aime pas. Une image qui ferait jaser fort. Quand tout est au plus fort, quand l'usine fait plus assez d'or. Inventé dans l'espoir d'éviter la glissade, forcé pour se faire. Thank you. quoi et une nouvelle entrée dans le palmarès francophone de Sifu, ça s'appelle La Façade de leur album le plus récent, Le Volume du Vent, deuxième pièce de cet album à venir sur nos palmarès. Très bon du Carquois. Il nous reste une petite dizaine de minutes et voici le nouveau bloc Ovid Vidéo. Oh que oui, baby! La bande à Ovid à la vidéo. Ok, donc cette semaine, on va écouter quelques vidéos ensemble. Bon, on les écoutera pas vraiment, je vais juste vous en parler, mais allez voir lunechance.com, tout est là-dessus. Vous allez pouvoir cliquer puis choisir vos vidéos à la main. Donc, Pork and Beans, pour commencer, c'est le nouveau vidéoclip de Weezer, de leur album Red Album qui sort le 3 juin. Hommage à tous les petits mémés, comme on appelle dans le domaine de l'Internet, donc les choses qui sont populaires, bon, que ce soit le Numa Numa Guy, que ce soit le gars qui disait « Leave Britney alone! » Ou les mentos dans du Pepsi Diet ou Coke Diet, peu importe, tout est là dans leur pièce de Weezer, Porks and Beans, dans le vidéoclip. C'est génial. Ils ont même demandé aux vrais acteurs de participer, donc je trouve ça vraiment cool. Weezer, d'accord. Le prochain, c'est Action Figure, eastsidestages.com, / punches. C'est dans le fond des gens qui se tapochent. Hein? C'est super beau à voir. Seconds After the Quake Struck, c'est dans le fond vidéo amateur de ce qui s'est passé juste après le tremblement de terre en Chine. Donc je trouvais ça quand même assez intéressant d'aller voir ça. YouTube, T-O-M-B, qui est dans le fond un site où se retrouvent les vidéos que YouTube enlève, par exemple pour copyright, quand les compagnies demandent d'enlever les vidéos. Donc vous pouvez pas les regarder sur YouTube, parce qu'ils sont plus sur YouTube, mais vous pouvez savoir pourquoi ils ont été enlevés. Par exemple, bon, c'est la compagnie, mettons, NBC Universal qui a demandé de l'enlever, ou c'est la compagnie Univision Online Inc., etc., etc. Donc, il y a même écrit en bas du site combien de vidéos ont été enlevées, et le nombre de vidéos qui ont été enlevées pour des violations de copyright et les autres qui ont été enlevées pour d'autres raisons. Mm-hmm. Vous avez peut-être pas encore vu ça, donc très intéressant pour ceux qui l'ont pas vu et qui sont fans de Family Guy et d'American Dad, la série dérivée de Family Guy, The Cleveland Show, pour l'instant c'est le nom, va mettre en vedette Cleveland dans une série animée, dans le même look que Family Guy, Cleveland Brown, la voix de Mike Henry, donc Cleveland qui va déménager à Steuben en Virginie pour exaucer la promesse là, qu'il avait fait à quelqu'un dans le bon vieux temps. Donc, le Cleveland Show, si vous voulez voir le générique de ça, c'est sur YouTube. The Cleveland Show Teaser, le lien est sur lunechance.com. Je pense même qu'on pourrait écouter un petit extrait de la... My name is Cleveland Brown, okay. And I am proud to be right back in my hometown with my new family. C'est super, j'adore ça, j'ai très hâte de voir le Cleveland Show. Ensuite, prochain, oh, I Think He Can Dance. Ça vient de l'émission You Think He Can Dance. Là, vous connaissez la fièvre de la danse. Robert Murrain, participant à cette émission-là, un des meilleurs danseurs que vous avez certainement jamais vu. Même les trois juges sont complètement bouche bée devant son talent. Le gars sait certainement danser. Il y a aussi certainement des problèmes avec, je sais pas, ses os ou ses membres qui sont... peut-être des jointures, je sais pas trop, mais c'est sûr qu'il peut faire des choses que vous pouvez pas faire. Et la musique qu'il a choisie est très très bonne aussi. Robert Murrain, donc de Los Angeles en Californie, 20 ans, on le voit se contorsionner, faire des moves là, de mime qui ont absolument aucun sens. C'est dément comme talent. Et les juges le sont d'accord aussi. Voilà. Ensuite, une femme qui se fait déshabiller par une pelle mécanique. Donc, dans le fond, ça vient de la télé italienne. Un gars qui, doucement, avec sa pelle mécanique, enlève les vêtements d'une femme. En fait, c'est une mannequin en plastique, mais quand même assez impressionnant. Pour je sais pas pour quelle émission, mais ça ressemble à genre un moment de vérité, je sais pas trop, mais en tout cas, c'est beau, il y a un timer en plus. Ensuite, Double Knockout, Sean Parker et Tyler Bryan qui se sont frappés en même temps, le 16 mai. Et là, on voit l'arbitre Shawnee Carter, qui capote aussi en voyant ça. C'est assez bizarre à voir. Donc, un double knockout de malade. On a déjà parlé de ça ici, sûrement. Ça a été passé il y a au-dessus d'un an. Il y a des choses qui sont, même plusieurs qu'on a mentionnées jusqu'à maintenant, sur YouTube, qui redeviennent populaires après un certain temps. C'est ce qui s'est passé avec cette vidéo-là, qui a été passée il y a au-dessus d'un an. C'est chaque fatality dans Mortal Kombat. Donc, 6 minutes, même 7, selon le résumé, 7 minutes de violence, de fatalities. Vous savez ce que c'est peut-être dans les jeux de Mortal Kombat, les fatalities, c'est quand on déchire la colonne vertébrale ou qu'on enlève la tête ou les membres de quelqu'un d'autre et que le sang coule de partout. Donc, une compilation, et là, c'est vraiment vite. Là. C'est pas comme les autres compilations que vous avez vues où on le voit au complet, le fatality, puis que ça dure pendant 10 secondes chaque. Là. C'est vraiment une seconde, deux secondes par fatality. C'est 7 minutes de pur plaisir. Grosse madame qui explose, on voit ses membres partout. Je trouve ça vraiment cool à aller voir. Every Mortal Kombat Fatality. Et puis, Kobe Bryant, on en parlait un petit peu plus tôt à l'émission, qui a sauté par-dessus, ou en tout cas, qui dit avoir sauté par-dessus une piscine remplie de serpents. Invraisemblable autant que l'autre vidéo qui est en lien d'ailleurs sur YouTube. Si vous allez sur le lien que je vous ai posté, il y a dans les related videos la vidéo de Kobe Bryant en train de sauter par-dessus Aston Martin au ralenti et en vitesse normale. Moi, je dis que c'est plus une vidéo qu'on va apprendre plus tard que c'était pour une compagnie ou pour quelque chose du genre, mais je pense pas que ce soit vrai. En le regardant, là, ça a l'air vraiment pas vrai. Et la plupart des gens sont d'accord pour le dire. Mais en même temps, tu sais, on a déjà vu des choses plus bizarres que ça être vraies. Hein? Tu sais? Donc voilà. Kobe Bryant qui sort par-dessus une piscine remplie de serpents. Très, très drôle. En même temps, ils ont comme mis trop d'affaires là-dedans. C'est comme, ils courent après un nain. À un moment donné, ça a comme pas rapport. Là. Voilà. Creepiest Blind Date Ever. Ah, ça, c'est une de mes vidéos préférées de cette semaine. Ça vient de quietlibrary.com. C'est l'histoire, dans le fond, super romantique d'un couple en blind date. Ben, deux personnes qui se rencontrent pour un blind date, qui se promènent, bon, ils ont bien du plaisir, ils sont dehors, youpi, la la la la, la vie est belle. Jusqu'à temps que ce soit un banc de parc et qu'à un moment donné, la fille lui demande au gars, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis le gars lui dit qu'il fait des cercueils pour bébés. Et à partir de là, ça devient assez étrange. Assez étrange de voir le gars triper autant sur son métier. C'est bizarre. Et puis après ça, il y a un autre gars qui s'assoit sur le banc et qui commence à discuter avec eux aussi. Ça vaut la peine d'être vu, c'est un petit peu inconfortable. Mais j'aime ça quand c'est inconfortable. T'sais, c'est le fun. C'est pour ça que je regardais la job. C'est inconfortable. Et puis finalement, rapidement, c'est pas vraiment une vidéo, c'est des photos. C'est un gars qui a pris une photo Polaroid pendant chaque jour jusqu'à sa mort du 31 mars 79 jusqu'au 25 octobre en 97. Il est mort et la dernière photo montre, ben pas montre sa mort, mais témoigne, si on veut, de sa mort. Et c'est assez touchant de voir ça. C'est vraiment beau. T'sais? En tout cas, on le voit à l'hôpital à la fin avec sa maladie. Il en a fait des choses, cet homme. C'est assez impressionnant. Donc, c'est allez voir l'article. He took a Polaroid every day until the day he died sur le www.unechance.com. Alors que nous, ben, c'est déjà la fin de la connexion pour cette semaine. Pénible. Assez pénible comme émission. On espère quand même faire mieux la semaine prochaine. Tous les mardis à partir de 11h, on rappelle les jeudis à 11h et les lundis à 10h. Soyez-y. Moi, je vous retrouve aussi dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Ça, c'est les vendredis matin à 10h. Et dans les palmarès, c'est fou, un condensé de la meilleure musique que c'est fou à vous offrir. Ça, c'est vendredi soir à 17h. Moi, ben, je vous retrouve là. Et puis, je vous aime. Allez voir le www.unechance.com, unechance.com pour tous les liens d'émission et pour télécharger la balado-diffusion. Sérieusement, merci beaucoup d'avoir passé ces 2 heures avec moi. J'avais besoin de vous pour me tenir compagnie. De la part de toute l'équipe fictive de la connexion, oui, équipe fictive, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance!